Chapitre 5e, Marguerite. 3 années s'étaient écoulées et les vacances d'été approchaient. On attendait Marguerite et Jane faisait gaiement les préparatifs de sa réception. Marguerite ne devait plus retourner dans la pension où elle occupait depuis 1 an le poste de sous-maîtresse, mais elle devait entrer comme institutrice dans une famille et Marguerite, quoiqu'elle eût à peine 19 ans, comptait bien avec son instruction et ses moyens gagner ses 1800 à 2000 francs par an. La diligence qui devait l'amener s'arrêtait devant l'auberge du Lion d'Or, et M. Haliburton y arriva par une belle et chaude journée de juin, à l'instant où l'horloge de Saint-Paul sonnait midi. À l'intérieur de la diligence, on distinguait une grande et belle jeune fille, à la figure fière et énergique. Marguerite avait ses bons et ses mauvais côtés, dont le principal était l'obstination. Elle ouvrit la portière et s'élança joyeusement à terre avant qu'il fût possible de l'aider. « Et vos mal, Marguerite ?» demanda M. Haliburton après les premières salutations. « Seront-elles arrivées cette fois-ci, oui ou non ?» Marguerite se mit à rire. « Oui, elles sont arrivées. Je ne les ai pas perdues en route comme à Noël. Vous ne l'oublierez jamais, je crois. C'est plus la faute du conducteur que la mienne. » Quelques minutes après, M. Haliburton, Marguerite et les mâles étaient tous installés dans un vieil omnibus de louage. « Maintenant, donnez-moi des nouvelles de tout le monde, » demanda Marguerite. « Comment va ma chère maman ?»« Très bien. Nous sommes tous en bonne santé. Jane va parfaitement. »« Et mon bijou de Willy ?»« Oh !» dit comiquement M. Haliburton. « Il vaut mieux que je ne vous en parle pas. Je répète sans cesse à Jane qu'il faut qu'elle commence le système du fouet. »« Et Jane va vous écouter. Et la petite, est-elle jolie ?» M. Haliburton leva les yeux. « Jane la trouve jolie. »« Je suis surpris qu'elle n'ait pas encore fait faire son portrait. Est-elle baptisée ?» Jane a voulu attendre. Comment s'appellera-t-elle ? Jane. Quelle honte ! Jane m'avait promis que ce serait Marguerite. Pourquoi a-t-elle choisi son nom ? C'est moi qui l'ai préféré. Le vôtre peut attendre encore, Marguerite. Marguerite se mit à rire. Et comment vous portez-vous, vous ? Très bien. Toutes mes heures sont prises. Vous n'avez pas l'air bien, répliqua Marguerite. Vous n'êtes pas allé maigre. J'ai toujours été maigre. Ma profession est si fatigante que je me sens quelquefois exténué. « Mais cependant, je ne suis pas mal, Marguerite. »« Francis passera-t-il les vacances à la maison ?»« Non, il va à Norfolk, chez le père de ses élèves. »« Francis est un garçon travailleur et persévérant. »« Tout au rebours du pauvre Robert, n'est-ce pas ?»« Mais oui, sous ce rapport. »« Robert ne vous donne-t-il pas de l'ennui ?» demanda Marguerite d'un ton plus sérieux. « N'a-t-il pas été remercié ?»« On l'en a averti, mais j'ai vu ses patrons qui ont consenti à le garder. » Si j'étais vous, Marguerite, je ne lui en parlerais pas. Il est très susceptible sur ce sujet. Robert a de bonnes intentions, mais il est léger. Sa place l'ennuie. Il perd son temps au dehors, ce qu'aucune maison ne supporte. La voiture arrivait devant la demeure de M. Haliburton. Marguerite sauta dehors, tout comme elle l'avait fait à la diligence. Elle était brusque, impétueuse. Elle était aussi tout au rebours de Jane calme, digne et posée, qui s'avançait à sa rencontre, les yeux brillants de plaisir. Un baiser bruyant à sa mère, à Jane, puis Marguerite prit dans ses bras un petit bonhomme de 2 ans qui s'attache à la robe de Jane. Le doigt dans sa bouche et ses yeux gris, francs, aimants et intelligents comme ceux de sa mère, ouverts tout grand pour regarder Marguerite. « Comment, mon vilain petit Billy ? Tu oublies tante Marguerite, mon bijou ?» Elle prit le petit garçon dans ses bras, et courut à l'autre bout de la chambre vers la vieille servante Marie qui berçait un enfant de 2 mois. La petite créature avait aussi 2 grands yeux gris qui se fixaient sur la bruyante Marguerite. « Oh, Willy, elle est plus jolie que toi. Je ne te caresserai plus, Marie. Je vous toucherai la main tout à l'heure. Il faut d'abord que je prenne ce ravissant bébé. » Laissant tomber Willy sur le plancher, arrachant le poupon des bras de Marie, Marguerite se mit à couvrir l'enfant de tant de baisers que le pauvre Willy se mit à pleurer. Jane vint à son secours. « Tu ne comprends pas les petits-enfants, Marguerite. Rends-la à Marie et monte à ta chambre te préparer pour le dîner. Tu dois avoir faim. Si faim que je vous effraierai tous par mon appétit et que je fatiguerai le bras d'Edgar à force de le faire découper. Avec l'idée de venir à la maison, je n'ai pas pu déjeuner. J'espère que vous avez quelque chose de bon. Ton dîner favori, » dit Jane en souriant, « un rôti de veau et des brocolis. » « Comme tu as bonne mémoire, Jane !» ne put s'empêcher de s'écrier Marguerite. « Marguerite, ma chère !» appela sa mère comme elle quittait la chambre avec Jane. Marguerite se retourna. « Quoi, maman ? J'espère que tu ne continueras pas avec les enfants comme tu as commencé. Autrement la maison, de tranquille qu'elle est, deviendra insupportable. »« La maison est donc tranquille, maman ?» demanda Marguerite en riant. « Comme si dirigée par Jane, elle ne devait pas l'être, » fit Madame Tate. Et Marguerite, riant toujours, suivit sa sœur. Les congés approchaient de leur fin. Monsieur Haliburton avait trouvé pour Marguerite une place excellente dans une des familles auxquelles il l'avait recommandée. On avait fixé un jour pour que la jeune fille se présentât personnellement. La veille de ce jour, à la tombée de la nuit, Monsieur Haliburton rentra d'une de ses nombreuses leçons. Jane était seule, Madame Tate, indisposée, s'était retirée de bonne heure. Marguerite était sortie avec Robert. C'était la morte saison, et Robert avait presque toutes ses soirées libres depuis 8 heures. Monsieur Haliburton s'assit en silence près d'une fenêtre. Jane alla vers lui, et lui posant affectueusement la main sur l'épaule. « Tu es fatigué, Edgar ?» Il ne répondit pas, mais prenant la main de sa femme, il la garda dans les siennes. « Nous allons souper tout de suite, » dit Jane en regardant le plateau à tête tout près. « Je suis sûr que tu as besoin de manger, et il n'est pas juste d'encourager Marguerite à nous faire ainsi attendre tous les soirs. « Surtout quand elle ne rentre qu'à 10h30, » ajouta M. Haliburton. « Jane, crois-tu qu'il soit convenable que Marguerite sorte si souvent le soir ?»« Elle est avec Robert. Elle peut ne pas être toujours seule avec Robert. » Jane se sentit rougir. Elle savait que son mari n'aurait pas parlé ainsi sans raison. « Edgar, pourquoi dis-tu cela ? Sais-tu quelque chose ? As-tu vu Marguerite ? Je l'ai vue il y a un quart d'heure. »« Avec Robert ?» interrompit Jane. « Robert était à côté d'elle, mais elle se promenait bras dessus bras dessous avec M. Murray. » Cette nouvelle ne souriait pas à Jane. Ce M. Murray était dans la même maison que Robert et mieux placé que lui. Robert l'avait quelquefois amené prendre le thé chez Madame Haliburton. La conduite presque clandestine de Marguerite surprenait à bon droit sa sœur. Qu'aurait-elle pensé s'il avait su que Marguerite et M. Murray se promenaient souvent ensemble ? Marguerite rentra plus tard seule avec Robert. Il la quitta à la porte et retourna chez lui. Jane ne dit rien, mais au moment de se coucher, elle monta à la chambre de Marguerite. « Oh, Edgar est venu faire des histoires, n'est-ce pas ?» répondit Marguerite quand la glace eut été rompue, et son ton de défi sonnait mal aux oreilles de Jane. « Je l'ai vu nous regarder. »« Marguerite !» exclama Jane. « Que t'est-il donc arrivé ? Tu es complètement changée. Tu n'as plus l'air d'une jeune fille bien élevée. »« Pourquoi me provoques-tu, Jane ? Est-ce donc un crime de prendre le bras d'un monsieur quand mon frère est avec moi ?»« Ce n'est pas bien de le faire en cachette, Marguerite, si tu sors ostensiblement pour te promener avec Robert. »« Jane, je ne veux pas t'écouter, » interrompit Marguerite avec colère. « Parce que tu es Madame Haliburton, tu te crois le droit de me sermonner. Quand je ferai quelque chose de mal, alors tu pourras me faire la morale. »« Marguerite, comme tu me juges mal, » dit Jane avec chagrin, « c'est pour ton bien que je te parle. » Si la famille Chawasney dans laquelle tu dois entrer apprenait ce que tu fais, elle ne te verrait pas de bon œil. Calme-toi, dit Marguerite avec hauteur. Les Chawasney me trouveront tout à fait leur gré quand je consentirai à y entrer. Sa voix était si significative que le cœur de Jane battit. Que veux-tu dire, Marguerite ? Tu as certainement quelques projets en tête. Marguerite, qui était restée debout devant la glace, roulant les boucles de ses cheveux autour de ses doigts, se tourna et regarda sa sœur en face. « Jane, je vais te le dire, si tu vas aplanir les choses auprès de maman. Je ne m'ai ni chez les Chevassenets, ni ailleurs comme gouvernante. »« Oui, » dit Jane, qui pressentait ce qu'allait suivre, « je vais me marier. »« Oh, Marguerite !»« Il est inutile de gronder, » riposta Marguerite. « M. Murray vient demain parler à maman, et si vous avez quelque chose à lui reprocher, vous pourrez le lui dire en face. C'est un homme respectable, il a de la fortune. » Quelles sont tes objections ? Jane ne pouvait répondre. Personnellement, M. Murray ne lui plaisait pas et l'avait caressé d'autres rêves pour la belle Marguerite. J'espère que tu seras heureuse si tu l'épouses, fut tout ce qu'elle put dire. J'espère bien l'être. J'encourrai le risque comme tant d'autres. Jane, je te demande pardon de ma mauvaise humeur, mais tu m'as fait perdre la tête. Comme tant d'autres. Le mariage, en effet, n'est-il pas bien souvent un billet à la loterie ? Et Marguerite Tate, entrant dans sa nouvelle carrière, sachant parfaitement ce qu'elle faisait.